Et bonsoir, il est 21h01, nous sommes le jeudi 6 mai 2021. On baisse le générique, c'est qu'on est fin prêt. Vous êtes en train d'écouter vraiment autre chose, comme tous les jeudis soirs à cette heure-là, la petite émission musicale sans prétention d'obédience progressive. Vous êtes en train de nous écouter? Mais si vous vous appelez Noé et que vous habitez actuellement à Les Beatles, ou alors si vous vous appelez Anatole, d'autant plus, et que vous vous trouvez actuellement au lasso, les petits, il est temps d'aller vous coucher, il va y avoir des musiques un peu... Il va y avoir du psyché, du fric, certes de très belles musiques, vous pouvez peut-être écouter dans votre sommeil, peut-être d'ailleurs que vous vous réveillerez amateur des musiques étranges et des musiques belles, un peu comme dans Le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley, peut-être en passant ce type de musique quand on dort et qu'on est un enfant, on se réveille féru et un nouvel auditeur de vraiment autre chose. Allez savoir, Le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley, on en a parlé il y a 2 éditions de ça, on va en reparler un petit peu ce soir aussi. Ce soir, ce qu'on écoute, ce n'est pas tout à fait vraiment autre chose, c'est au pied de la lettre, hors série, de vraiment autre chose, tentative d'exploration radiophonique de la Nurse with Only List, 7e épisode. Et pour ce 7e épisode, j'ai la joie, le bonheur incommensurable, le plaisir ineffable d'accueillir dans les studios avec moi l'indispensable qui n'a jamais manqué la moindre des émissions au pied de la lettre. Le fantastique et sémillant Guénolé. Bonsoir Guéno. Au bout de... Salut Manu. Je sais pas comment tu vas faire au bout de la 50e émission, parce que là tu atteins le bout des superlatifs là, pour nous présenter Steph et moi. Là. Ils serviront toujours. Oui. Oh, je pourrais toujours... Je pourrais toujours ajouter des superlatifs dans la 50e édition parce que j'aurais plus besoin de dire à Noé et Anatole d'aller se coucher puisqu'ils auront 25 et 34 ans peut-être. Quand on en aura fini de cette tentative. Ce sont eux qui te coucheront. Ah, mais c'est fort possible. Bonsoir Stéphane, comment te portes-tu? Eh bien, je me porte bien, merci à toi. Bonsoir Guéno, bonsoir Manu, c'est bonsoir à tous et bonsoir Nico, puisque tu vas l'annoncer, mais je lui dis bonsoir maintenant, sinon. Wow, remarque qu'il allait me dire bonsoir, alors je le redis bonsoir après. Bref. Ah, super. On n'est pas calé, hein. Putain, parfait. On aurait dû laisser filer le générique. C'est nickel. Salut Nico. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Comment allez-vous là-bas à Toulouse? Fort bien. À pied. Ouais, en vélo pour ma part. Voilà. Voilà. Bah écoute, on en a un peu parlé en off. Hein. Nous, on attend un petit peu que la fin de ces couvre-feux pour que les auditeurs puissent en faire autre chose que d'écouter la musique des années 60-80 bizarre et chelou et puissent profiter de leur jeudi soir pour aller faire la fête. Mais pour l'instant, ils sont obligés de nous écouter. Alors bon, bah écoute, on va essayer de leur faire passer deux heures et demie en notre compagnie les plus agréables possibles. Espérons-le. On n'est pas dans Orange Mécanique avec un truc. Tiens, vas-y, t'es obligé d'écouter, il n'y a pas le choix. C'est le confinement, il n'y a plus rien, quoi. Tac. Et on va vous pourrir les esgourdes. Voilà, tiens. On va mettre des très belles choses dans vos esgourdes. La Nurse with Only List, pour ceux qui n'auraient pas suivi, là, on en est au 7e épisode. Les 6 précédents, vous pouvez les écouter sur le Mixcloud de Radio, bien sûr. La Nurse with Only List, bah, c'est une liste intitulée The List qui était insérée dans le premier album du groupe Nurse with Only. On est en 78, si je ne m'abuse, ou 79, parce que j'ai plus mes notes. En tout cas, voilà un groupe composé de gens qui se réclament comme étant des non-musiciens. Ils disent qu'on a jamais touché un instrument avant de les prendre pour vous enregistrer cet album, parce que pas besoin d'être musicien pour jouer de la musique, il suffit de savoir écouter. Et notamment deux des membres de Nurse with One, hein, les personnes de Steven Stapleton et de John Fogerty Hill, qui eux savaient écouter de la musique. Ce sont des grands férus de musique expérimentale qui depuis le début des années 70 ont couru les disquaires, chiné un nombre incalculable de curiosités, toujours à rentrer chez les disquaires. Est-ce que vous avez de la musique expérimentale? Est-ce que vous avez un son nouveau? Hop, à regarder un peu, ah tiens, cette pochette, elle est bizarre, on va écouter ce que ça donne et tout. Et se sont fait une petite collection à eux deux de musique bizarre, de musique étrange, et c'est ce qui les a influencés, ce qui leur a donné envie de se lancer eux-mêmes dans l'aventure musicale, et donc ce sont leurs influences, quoi, en gros, une liste de 300 groupes, 300 noms, des choses obscures comme des choses plutôt connues, et c'est cette liste-là, elle a fait sa vie, et dans les années 90, c'est un peu devenu la hype, il fallait vraiment avoir écouté ou connaître, et surtout posséder les disques de la Nurse With One List, et nous on a décidé de s'attaquer à cette liste avec l'équipe de Vraiment Autre Chose dans ces émissions au pied de la lettre, puisqu'on fait ça lettre par lettre. Et d'ailleurs, en parlant de lettres, on va clôturer le B, parce que enfin, si tout se passe bien, on va arriver au bout du B. Peut-être qu'on aura un début de C, mais sinon ça se goupillera bien et ce sera pour l'émission suivante. C'est ça, ouais, tout à fait. Les émissions précédentes étaient consacrées à la lettre A, puis la lettre B. On en finit avec cette lettre B. Peut-être ce soir un petit avant-goût de la lettre C, on ne sait pas. On va voir un peu avec le temps qui passe. Et pour démarrer, c'est toi, Nico, qui prend la main. C'est toi qui vas nous faire découvrir un artiste en la personne de Jacques Bérocal. Tout à fait. Je commence ce soir avec Jacques Bérocal. Son nom pour ses trois premiers disques, parce qu'ensuite ça devient Jacques Bérocal. Comme disait Trey Slapp, Jacques Bérocal est un trompettiste, chanteur et compositeur, figure inclassable de la scène alternative française. Ce personnage excentrique au style indéfinissable, oscillant entre le rock indépendant et free jazz, c'est peut-être mieux de dire free jazz au lieu de dire c'est free jack, mais a travaillé aux côtés de nombreux musiciens issus d'univers musicaux très variés, comme Sonny Murray, Pascal Comalade, James Chance, Lol Coxill, Michel Portal, Lizzie, Mercedes Lou, Stephen Stapleton, oui, lui-même aussi, Vince Taylor, Donny Glasgow, Gilbert Ortman, qu'on a encore entendu avec le Urban Sax, Gedalia Tazartes et encore plein d'autres mondes. Et pour vous donner une idée, on va commencer avec un tout premier morceau qui vient de son deuxième album qui s'appelle Parallel, et on va écouter un solo qui s'appelle Gali Mathias, qui était sorti en 1976. vient d'écouter Jack Berrocal à l'instant dans Vraiment Autre Chose. Le titre, donc Galimathias, tiré de son deuxième album, c'est ce que tu nous disais, Nico ? Tout à fait, tout à fait. Donc, ça, c'était son deuxième album qui était sorti en 1976 sur son propre label Davantage. Et c'est aussi un album où le concept était d'inviter plusieurs amis de lui pour créer de la musique ensemble, mais ici c'était un solo qu'on vient d'entendre. Et un de ces morceaux qu'il a créé, c'était une pièce qui s'appelle Rock'n'Roll Station, qui était également un hommage à Luigi Russolo, un peintre et compositeur futuriste italien, considéré comme le père de la musique noise. À l'époque, Jacques pensait faire un morceau fidèle à l'esprit brut et original du rock des années 50, et il était particulièrement intéressé par le concept d'une chanson rock sans guitare. À peu près à la même époque, un ami de lui donne un exemple de Coney Island's Baby de Lou Reed. Il écoutait en boucle et il pensait que c'était magnifique, il aimait particulièrement la parole. L'idée d'inviter Lou Reed a commencé à grandir en lui. Il l'imaginait en train de poser des voix sur un riff très minimal, comme une transe, une seule note répétée à l'infini. Le temps a passé, il a progressivement abandonné l'idée en raison de la difficulté d'entrer en contact avec Lou Reed lui-même. Dans la période de son deuxième album, il rencontre aussi Vince Taylor à Paris. Et c'est à ce moment qu'il a complètement oublié Lou Reed et qu'il avait plus aucun doute sur la voix de Rock'n'Roll Station. Il avait enthousiaste de l'idée de chanter sur le jazz. Jack lui a mentionné l'hommage au bruit et ils sont nourris l'un de l'autre. Et donc, c'est ce qu'on va entendre. On va écouter le morceau interprété par Jack Berrocal qui s'appelle Rock'n'Roll Station. I'm in a rock and roll session, and I'm waiting for Michael, who's not here. Brand new Cadillac, Grossmudel, Schwepp. Do you remember? It was 1959, the observatory. What a strange story. Rock and roll session is a session where we can do what we want to do. Schwepp. Grossmudel. Jack's bicycle is music. Grossmudel. Schwepp. Everything is possible. Possible. Rock and roll session is the second pirate session of a strange wax. Grossmudel. Listening. Listening to an outlaw rock and roll session. Outlaw. Outlaw. I'm in a rock and roll session and I'm waiting for Michael, who's not here. Brand new Cadillac, do you remember? It was 1959 in the observatory. What a strange story. Rock and roll station is a station where we can do what we want to do. Schwepp. Jack's bicycle is music to my ears. Everything is possible. Possible? Rock and roll session is a second pirate session of a strange wax. Grossmudel. Grossmudel. Listening. Listening to a rock and roll session is to be, is to be. I'm in a rock and roll session and I'm waiting for Michael. He's not here. Schwepp, brand new Cadillac. Do you remember? It was in 1959. What a strange story. The observatory. Rock and roll station is a station where we can do what we want to do. Jack's bicycle is music to my ears. Everything is possible. Possible. Schwepp. Rock and Roll Session is the second pirate session of a strange wax. Listening to the Rock and Roll Session, outlaw, outlaw, is to be outlaw. I'm in a gross moodle and I'm waiting for a rock and roll station. Chouette. Who, he's not here. It was in 1959. I'm in a rock and roll station and I'm waiting for a gross moodle. A rock and roll station is a station where we can do what we want to do. But hang on. Jack's bicycle. Do you remember? I'm in a rock and roll session and I'm waiting for Michael. Who? He's not here. Brand new Cadillac. Jack's bicycle is music to my ears. Everything is possible. A rock and roll session is a second pirate session of a strange wax. But I'm listening. I'm listening to a rock and roll session. Outlaw. Outlaw. Combien de sucre? Nicolas, on est bien d'accord que c'était Vince Taylor qui récitait là. Tout à fait, tout à fait. Le Vince Taylor, Monsieur Cadillac, que les Clash ont repris, etc. Le blouson noir, quoi, Vince Taylor. Tout à fait, oui. Tout à fait. Oui, Et donc c'est lui, ensemble avec Jack Barrocal, qui prononçait les mots suivants, « Rock and Roll Station est une station où nous pouvons faire ce que nous voulons. » Tout est possible. Je ne sais pas si ces mots-là ont vraiment inspiré Stephen Stapleton ou que c'est vraiment, il était impressionné par le morceau en total parce que c'est aussi ce morceau-là qu'il a, comment dire, il a créé une interprétation de ça avec un respect pour l'original et autrement sans empreinte pour en faire un morceau très dansant. C'est quand même un morceau solide à jouer pendant une soirée. Comme j'ai déjà l'avais dit, déjà mentionné dans la première émission de ce Nursery Tune List, Stephen attachait également beaucoup d'importance à l'emballage, donc aussi pour ce morceau, pas de l'album, parce qu'il a écrit un album qui s'appelle The Rock and Roll Station, mais il y a aussi, en 2005, il a écrit un mini-album avec deux morceaux, et l'emballage était une boîte en bois avec un dessin graffé qui était sorti en 2005. Le contenu de la boîte est une bouteille d'absinthe avec deux verres et un cuillère à absinthe pour réchauffer le sucre avec un CD avec inclus deux morceaux. Et là, il y a au nouveau le morceau Rock and Roll Station qui était sur l'album. Mais là, c'est une réinterprétation ou un remix de Andrew Lals qui, à ce moment-là, accompagné, qui est devenu un membre de Nursery Tune. Mais nous ne vons pas écouter ce remix, on va vraiment écouter le morceau qui vient de l'album Rock and Roll Station, une interprétation de Stephen Stapleton qui était sorti en 1994 sur United Dairies de Nursery Tune. Eh ben, merci. Avant qu'on écoute ça, donc en fait, bah, la concrétisation, parce que depuis le début, on parle d'inspiration, on vous parle de beaucoup de groupes qu'on découvre nous aussi, et beaucoup de musiciens qui sont des inspirations pour le groupe Nurse With Wound. Là, on va carrément s'en rendre compte, puisque c'est un hommage qui est rendu par Nurse With Wound à ce morceau, Rock and Roll Station. Mais juste avant, je voulais juste te demander, j'étais curieux, parce que c'est toujours très compliqué de présenter un artiste comme ça en 10 minutes, un quart d'heure, en écoutant deux morceaux. Et là, les deux morceaux qu'on a écoutés ont vraiment mais rien du tout à voir. Et la musique de Berocal, elle prend quelle direction, du coup, après les années 70? Dans toutes les directions. Il a sorti 30-40 albums et souvent c'est un peu orienté vers le jazz, un peu d'improvisation, de temps en temps électronique, mais aussi dans un rock déglingué. Donc c'est compliqué de dire, il faut écouter tel ou tel album. Aussi, il y a beaucoup d'albums qui jouent souvent avec des autres musiciens, tu vois. Il n'a pas vraiment un groupe avec qui il joue tout le temps. C'est chaque fois des autres membres qui lui accompagnent et toutes des choses comme ça. C'est un musicien en freelance et qui fait sa carrière solo en même temps, quoi, totalement. Tu parlais de Pascal Comelade tout à l'heure, qui est un artiste assez singulier, justement. Mm-hmm. Ça m'étonne qu'à moitié de l'entendre dans ce cadre-là. Oui, Pascal Comelade qui fait ce qu'il appelle lui-même de la musa, qui peut être dans la chanson, la musique minimaliste. Enfin bon, on peut y coller toutes les étiquettes et je crois que ça ne sert à rien. Mais donc oui, c'est très éclectique en tout cas, c'est très varié. Ouais, absolument. Ouais, c'est souvent avec les musiciens qui sont sur cette liste-là, qui participent à plein de trucs différents, et chaque fois dans un autre monde musical. Et je pense que Jacques Berkel, c'est un bel exemple à ce niveau-là. Et aussi, durant les années, son musique est fort évoluée, mais il y a quand même... Mais il ne fait pas qu'uniquement de la musique, il est aussi un acteur. Il a aussi participé dans quelques films. Je ne sais pas ce qu'il fait encore actuellement, mais à un certain moment, je pense qu'il a aussi écrit la musique pour des films. Là, je ne suis pas sûr, mais il a quand même joué dans quelques films à l'époque. Donc, justement pour montrer un peu sa diversité. Voilà. Très bien. Ouais, c'est le cas de pas mal d'artistes, hein. C'est marrant, depuis le début qu'on aborde cette liste, et on va le voir par la suite d'ailleurs dans les heures qui viennent de cette émission, beaucoup d'artistes qui sont comme ça un peu touche à tout, quoi, à se placer sur plusieurs disciplines artistiques différentes, mais toujours en les prenant un peu à rebours, et c'est vrai que c'est un plaisir. Eh ben merci Nico, on va s'écouter donc Rock and Roll Station, donc le morceau qu'on vient d'entendre de Jack Berrocal, mais cette fois-ci c'est Nurse With Wound qui s'y colle. Tout à fait. I'm in a rock and roll session, and I'm waiting for Michael, who's not here. Brand new Cadillac, gross module. Sweat. Do you remember? It was 1959. The observatory. What a strange story. Rock and roll session is a session where we can do what we want to do. Sweat. Gross module. Jack's bicycle is music. Gross module. Sweat. Everything is possible. Possible. Possible. Rock and roll station is a second pirate session of a strange wax. Gross module. Listening. Listening. Listening to an outlaw rock and roll session. Outlaw. I'm in a rock and roll session and I'm waiting for Michael. who's not here. Brand new Cadillac. Do you remember? It was 1959. The observatory. What a strange story. Rock and roll station is a station where we can do what we want to do. Sweat. Jack's bicycle is music to my ears. Everything is possible. Possible. Possible. Rock and roll session is a second pirate session of a strange wax. Gross module. Listening. Listening to a rock and roll session is to be. Is to be. Rock and roll session is a second pirate session of a strange wax. Listening to the rock and roll session. Outlaw. Outlaw. Outlaw. Outlaw. I'm in a gross module and I'm waiting for a rock and roll session. Sweat. He's not here. It was 1959. The observatory. I'm in a rock and roll session and I'm waiting for a gross module. A rock and roll session is a session where we can do what we want to do. But hang on. Jack's bicycle. Do you remember? I'm in a rock and roll session and I'm waiting for Michael. Who? He's not here. Brand new Cadillac. 1959. The observatory. What a strange story. Everything is possible. Possible. A rock and roll session is a second pirate session of a strange wax. But I'm listening, listening to a rock and roll session. Outlaw. Outlaw. I'm in a gross module. And I'm waiting for Michael, who, he's not here. 1959, the observatory, what a strange story. Jack's bicycle is music, everything is possible, possible. A rock and roll session is a session where we can do what we want to do. But hang on, Jack's bicycle. Do you remember? Russolo had already invented his noisy organ, which was destroyed in Paris in 930. Demonstration. You know, I don't know what I'm doing here. No, really. No, really. What a strange story. What a strange story. What a strange story. Rock and Roll Station, c'était la version de Nurse with Wounds qu'on vient d'entendre à l'instant. Donc hommage, si j'ose dire, à Jacques Berrocal au morceau Rock and Roll Station. Bah franchement, j'adore cette version aussi. Hein. Les deux, waouh, ouais. Les deux sont vraiment hyper bien. Pareil pour moi, avec ce gros, ce kick là qui est très, très subu, très, très, voilà, qui fait un espèce de battement. Ouais, moi ça m'a bien plu aussi. Très sympa, mais si vous me demandez mon avis, je préférais la première. à la trompette. Non, la seconde, ouais. La première version originale. Exact. Ouais. En tout cas, merci Nico. Hein. Ça donne envie vraiment de creuser un peu plus dans l'œuvre de Jacques Berrocal et ça donne envie de creuser un peu plus dans Nurse with Wounds. Donc en fait, voilà, une émission qui creuse pour vous donner envie de creuser encore plus derrière. Tout c'est à fait. Très réussi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et c'est aussi, ça me motive d'ouvrir la bouteille de absinthe. Tu vois, parce que j'ai cet emballage-là et j'ai jamais ouvert. C'est déjà 15 ans que je l'ai ça à la maison et je n'ouvre pas la bouteille parce que c'est un objet de l'art de Nurse with Wounds. Ouais, mais l'art peut être vidé de son sens à un moment. Mais. C'est justement, je me demandais, c'est quoi ce partenariat qu'ils ont fait avec c'est une absinthe locale, c'est avec une entreprise en Allemagne. Ils ont fait une centaine de boîtes comme ça. C'était aussi Current 93 ont fait exactement la même chose. Ils ont aussi fait une édition limitée. Et je pense que c'était qu'ils adoraient vraiment l'absinthe parce que c'était aussi un très longtemps interdit en Angleterre. Et en France aussi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais maintenant c'est légal en Allemagne et en Pologne, je pense aussi, en Tchéquie, je pense aussi. Et en 2005, ils ont eu l'opportunité de sortir quelque chose là avec ce bouteille. Et donc, je ne connais pas le pourquoi exact pour ça. Ben, en tout cas, c'est ce qu'on se disait, c'est Guénaud qui a relevé, mais je comprends un peu mieux combien tu veux de sucre de la version originale justement à la fin. Ils boivent une tisane, un café. Non, en fait, ils sont probablement en train de se siffler une absinthe, ce qui, en 1970 et quelques, était absolument interdit de le faire. Ouais. Déjà, trouver une bouteille, c'était pas évident. Donc, enfin, bref, voilà. Pour la petite histoire, ça m'intriguait, cette histoire d'emballage avec une bouteille d'absinthe. Elle doit être très sympa. Elle est très sympa. Et aussi, l'absinthe en soi même, c'est aussi très bon. Hein. Ah bah oui. Mais voilà. J'avoue que depuis que tu interviens dans cette émission, bien avant qu'on s'attaque au pied de la lettre à cette Nurse with Wounds list, j'ai dans la tête l'idée qu'on fasse un petit voyage avec Guénaud et ceux qui voudront pour venir te rendre visite à Bruxelles et faire une émission de vraiment autre chose depuis tes studios. Et peut-être que ce sera l'occasion, si on fait ça, de se goûter cette absinthe et de te dire ce qu'on en pense. Oui, mais le bouteille n'est pas dans le studio de Radio Panique. Hein. Donc c'est difficile de consommer en même temps. Et c'est une chose que je ne vais jamais faire parce que j'ai récemment encore regardé quelqu'un qui m'a contacté. Est-ce que tu connais ça? Parce qu'il y a un ou deux exemplaires qui sont à vendre et le prix le moins cher, c'était 777 €. Wow. Watch out. Donc là, j'ai dit, OK, je ne vais jamais ouvrir la bouteille. T'attends que ça grimpe. J'achète des autres, donc pas celui-là de Nurse with Wounds. On ira au Florin, c'est en face du Delirium. C'est un bar absinthe à Bruxelles où il y a 200 absinthes différentes. N'y allez pas, c'est horrible. En Luxembourg, tu le trouves facilement, hein, l'absinthe. Là, il y a aussi des magasins avec plusieurs différents, parce que tu as aussi le degré d'alcool qui change très fort, entre 40 et 70 degrés. Hein. Ouais, exact. Donc, Oh les gars, bon, tout ivre de ces bonnes paroles, Nico, ouais. je vais enchaîner sur... C'est dur, hein. Ouais. 70. Santé. Voilà, donc les vapeurs aidant. Bon, je vais vous parler, en plus je crois qu'ils vont devoir nous aider, de Blue Sun, donc Soleil Bleu. Donc c'est il y a 2-3 semaines, je l'avais préparé sans trop d'appétit, tout ça, mais bon, je l'avais fait. Et puis il a été un peu remis à chaque fois au bout du bout, jusqu'à que ben là, cette émission, nous devons clôturer les baies. Donc Blue Sun y passe. Donc c'est un groupe danois, je crois que c'est peut-être le premier... On fait du Danemark, formé en 109 à Copenhague. Alors, voilà, du jazz rock, un peu soul, funk. Et c'est pour ça que vous allez être, je pense que vous avez partagé en tout cas mes impressions, que, un peu surpris de ce qu'il fout là sur sa liste, quoi. Et j'ai pas réussi à savoir le pourquoi du comment. Non pas que la musique soit mauvaise, parce que moi je la trouve pas mal. Bon, j'aime beaucoup le soul funk, tout ça, donc ça aide. Ça aide, oui. Oui, voilà, totalement. Mais juste, je sais pas, je pense que Steve Stapleton, pour le coup, c'était siffler une bouteille d'absinthe hein, en écoutant leur CD, parce que là on comprend pas trop. Donc ils ont fait un premier album en 70, qui est un live dans un jazz club, qui est un peu plus free, jazz, tout ça, mais ce que j'ai entendu, c'était vraiment le son était un peu pourri. Bon, c'était un live enregistré là-bas, donc c'était un peu dur. Et là, je vais vous faire passer deux morceaux d'un album éponyme, donc Blue Sun. Donc, comme disait Nico, c'est un peu grâce à Nico que maintenant on s'attache à regarder les pochettes et ça peut donner un petit biais pour parler du groupe qu'on connaît pas, quoi. Bon, ben là, déjà, le soleil, il est pas bleu, quoi, sur la pochette. Il est mauve. Voilà, bon, déjà, première erreur. C'est le jeu de cette erreur. Et non, après, j'ai lu dans un commentaire sur un blog qui parlait de la pochette la plus, la plus groovy que l'on puisse voir. Bon, en gros, on voit juste des chevelus qui dansent, hein, qui font un peu du headbanging des années 70, donc pas trop violent, quoi, mais assez doux, puis un peu éparpillé, un peu comme si sur une scène, sur un plateau de télé, je sais pas, de la MTV Underground de Copenhagen. Deux types, quoi. Enfin, bref. Ça sent bon, Christina, tout ça, ouais. Ouais, carrément. Je pense qu'il y avait d'autres vapeurs. Ouais. Pas d'absinthe, mais d'autres fumées. Et du coup, le premier morceau de cet album, bon, je l'ai pas mis, il dure 10 minutes. Moi, personnellement, je le trouve assez bien. C'est vraiment, c'est une basse fin qui s'arrête pas. Il y a une belle voix, ça s'enchaîne. J'avais dit à Manu la dernière fois, ça pourrait se caler dans une BO des Blues Brothers 2022, tu vois. Easy, quoi. mais du coup, j'ai choisi plutôt un morceau plus court parce que voilà, je voulais pas passer 15 minutes de ce groupe parce que j'ai pas trop l'impression qu'il ait sa place dans cette liste. Et du coup, on va commencer par le premier morceau qui reflète un peu le premier, donc qui est très énergique. Enfin voilà, je pense que ça a parlé. Ouais, en 2 minutes. Ça s'appelle Keir Irene. Cher Irene. Donc voilà, Irene, c'est la sœur de Mike. Cher Irene, coucou. Et voilà, donc on va s'écouter ça, Manu, et Steph, et Nico. We'll be right back. côté psychédance. C'est très rock en tout cas. Oui, c'est vrai que c'est le puis le son et un peu comme ça. Chanteur à voix très rock. Ouais. Ça m'a rappelé un groupe qui existe encore des années 2000 qui s'appelle les Dirt Bombs. Groupe de, comment on dit, garage rock Détroit actuel. Et ça sonne un peu comme ça. Mais c'est vrai que pour le coup, là, ce morceau, il a pas vieilli. Je pense que la voix du chanteur, il fait pour beaucoup. Et dans le premier morceau, vous l'entendez, il a vraiment une voix vraiment splendide. Et là, du coup, on va s'enchaîner avec c'est le morceau suivant. Alors, en danois. S'enchaîne carrément. Ouais, voilà, ça s'enchaîne. Ouais. Clac. Tac. Parce que j'avais écrit on enchaîne avec. Ah, ok. Il s'appelle Pas Fledget. Donc, ça veut dire sur la montagne. Alors là, je vous avouerai que je n'ai pas réécouté depuis 2-3 semaines. Donc, je me fie un peu à ce que j'ai écrit. Et donc, voilà, ça va être vachement plus folk. Dans mes souvenirs, c'est très aigu aussi. Voire strident. Donc, voire un peu. Voilà, ça peut un peu hérisser le poil. Et il n'y a pas de batterie. Et du coup, là c'est vraiment autre chose, j'ai envie de te dire. Allez, tu parles super bien danois. Voilà, nous venons d'écouter ce morceau-là de Blue Sun, groupe danois. Donc, je vous invite à écouter le premier morceau qui est vraiment plus long. J'ai pas le nom en tête, quoi. Et sinon, ils ont Ils ont fait juste ces deux albums-là. Donc cet album, c'était quoi, tu dis, le titre Blue Sun, Blue ouais. Sun. Et ouais, éponyme, ouais. Mais bon, moi, je l'appellerais plutôt Soleil Mauve. Mais bon. Ouais, ok. Ça chipote. Ça chipote sur Radio Oui, Radio. Bah, j'ai l'œil graphique. Ouais, se demander s'il n'y a pas des daltoniens dans l'affaire. Enfin, toi ou alors les musiciens de Blue Sun. Ou l'imprimeur. Ou l'imprimeur. Ah oui. Ouais, c'est tout à fait possible. Ouais. On a été en France, on vient du Danemark, maintenant on va en Italie. Je vous fais un petit peu de mise en contexte, chers amis auditeurs. Depuis qu'on a attaqué cette fameuse tentative d'exploration là, au pied de la lettre, j'ai coutume, quand j'arrive pas à trouver le sommeil le soir, au lieu de compter les moutons, de me récapituler un peu les groupes pour voir s'il n'en manque pas. Hier soir, je me suis couché, je me suis dit, il y a 19 groupes qui commencent par la lettre B, est-ce que je vais arriver à me les retrouver dans ma tête? Et là, ce petit jeu pour trouver le sommeil m'a permis de me rendre compte qu'on avait oublié dans la répartition, qu'on s'était faite en pré-émission des groupes de la lettre B, on avait oublié Franco Battiato. T'es complètement passé à l'as. C'est donc moi qui m'y colle. Et bon, dans ces cas-là, là, quand on est un peu bloqué au dernier moment, zut, il faut faire la bio d'un musicien, écouter sa musique. Comment je vais faire? Bon, là, c'est pas très compliqué. Je vous ai fait service minimum, à savoir un petit peu de bio Wikipédia, 2-3 infos glanées dans un forum. Et pour finir, mes impressions d'écoute sur le tout premier album de Battiato. Je m'arrêterai sur celui-là, il s'appelle Fœtus. Voilà, alors Franco Battiato, ou Francesco Battiato, voit le jour en Sicile en 1945. Ce gars-là dont je vous parle maintenant, là, c'est peut-être un nom qui vous est inconnu, mais c'est une star, c'est une véritable star en Italie. C'est quelqu'un qui a sorti, je crois, 28 albums à ce jour-là. Une star parce qu'il s'est orienté, il est sorti à un moment de sa période expérimentale, celle qu'a tapé dans l'œil, à mon avis, de Steven Stapleton, pour revenir à ses premières amours, qui étaient un peu la chanson sirupeuse d'Italie. Le gars a même participé à un concours de l'Eurovision dans les couleurs de l'Italie. Mais c'est pas de ça dont on va parler, ce serait pas intéressant. En tout cas, Franco Battiato, il débarque à Milan, participe à des concours de chant là, quand il a une vingtaine de ballets, et sort son premier single, El Amore. Je peux vous dire que là, il y a du miel qui dégouline des enceintes quand il écoute ça, vraiment. Il sort ça en 1968 et il est parti tout droit vers une carrière de chanteur de charme, beau gosse. On parle d'amour à l'italienne avec des petites nappes de cordes derrière. C'est bien dégueu et pourtant, à la surprise générale, dans le deuxième single qui sort, là il part dans une autre direction qui correspond plus à ses amours musicaux du moment. Le titre s'appelle La Convenzione et là on est vraiment sur du rock prog à fond, avec gavé de sons analogiques, de synthétiseurs et une espèce de petite cosmologie science-fiction qui le lâchera pas avant un petit moment. Et ces sons là qu'on retrouve dans le tout premier album de Battiato, qui s'appelle donc Fœtus. On parle souvent des pochettes. Là, la pochette, elle n'est pas forcément belle parce qu'elle représente la photo d'un fœtus sur une feuille en papier. C'est pas forcément beau à voir. Par contre, effectivement, ça interpelle et je comprends qu'on se dise, tiens, j'ai envie d'écouter la musique qui s'y passe derrière. Ça s'appelle Fœtus et c'est un album concept, en fait, qui raconte une histoire, qui raconte l'histoire de la naissance et de la croissance vers l'univers en tant que l'univers qui nous est proche, mais aussi l'univers spatial. Il y a un côté très space rock dans cette musique-là notamment. Et parmi les inspirations revendiquées de Franco Battiato pour l'écriture de ce Fœtus, il y a Le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley. Voilà, deuxième musicien de cette liste qui aura été marqué par cette lecture. Effectivement, je vous avais prévenu, puisqu'on avait Keno, tu nous avais parlé des Allemands de Brave New World. Tout à fait. Voilà. Le nom anglais du meilleur du monde. Tout à fait, c'est ça. Et j'ai beaucoup parlé. On va donc s'écouter l'introduction de cet album. Le titre s'appelle Energia. Vous allez comprendre un petit peu mieux l'univers musical très particulier de Battiato, avec ses excès, mais aussi ses moments de grâce. Et voilà, ça démarre, on va entendre un cœur qui bat. C'est la naissance, c'est le début. Quelle année, mon ami ? 1972. Très bien. Voilà, allez, c'est parti, donc Energia. Non ero ancora nato, che già sentivo il cuore, che la mia vita nasceva senza amore. mi trascinavo adagio dentro il corpo umano, giù per le vene, verso il mio destino. L'album qui a donné envie au Monty Python de faire le sens de la vie. Bah écoute, va savoir. C'est possible. Je sais pas trop quel retentissement cet album a eu à l'époque. En tout cas, il est sorti à un nombre très, très limité d'exemplaires. 7000 exemplaires, si je me souviens. C'est toujours assez épatant de se dire mais qu'il y en a un qui a voyagé jusqu'à Londres pour tomber dans les mains de Stephen Stapleton et pour finir aligné dans cette liste et dans les influences revendiquées du groupe Nurse With Wound. Après, c'est pas tellement étonnant à l'écoute de cet album. Je vous avoue, quand j'ai écouté ce premier morceau là, j'étais là waouh, ok, vous savez, un peu le rock italien, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Quand c'est instrumental, c'est bien, quand ça chante, je suis moins fan. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'excès de lyrisme dans beaucoup de groupes de rock progressif. Mais tu t'es laissé envoûter par le charme de ce chanteur à la voix de miel. Et ben ouais. Et ben, et pour voilà. Te dire, pas forcément par sa voix de miel, mais j'avoue que le gars a une voix plutôt agréable. Mais surtout, ce qui m'a vraiment charmé dans cet album, c'est que ça s'entend pas forcément sur ce morceau-là, encore que je vous ai vu tous vous être très surpris là, à 30 secondes avant la fin, vous dire « Merde, c'est fini, vite, on remet les casques !» Et ben non, il y a quelque chose dans la construction des morceaux qui est assez folle, imprévisible. Est-ce qu'il serait pas bon d'en faire une petite chronique dans vraiment autre chose de cet album, tiens ? Bah, on est dans vraiment autre chose. Hein, oui, mais de toute façon. Pas le hors-série. Mais ça vaudrait le coup d'en écouter, pas même en dehors du hors-série, ouais, comme pas mal d'ailleurs des groupes qu'on découvre depuis ce Au pied de la lettre. Je sens que certains vont revenir dans les playlists de nos émissions habituelles. Mais là, ouais, cet album-là, c'est assez dingue, en fait. Je vous ai parlé de ce que je pensais du rock progressif italien. Et vous connaissez aussi... Tagliatelle rock. Exactement. Mozzarella rock, selon Nico. Vous connaissez aussi mon amour immodéré pour la technique du fade-out, qui est vraiment, bon, moi, c'est ce que je préfère dans la musique dans les années 70. Et là, pour le coup, Franco Battiato, il te sert 3-4 fade-out dans le même morceau. En fait, c'est assez fou, quoi. Il y a des plans qui démarrent, on les aime ou on les aime pas. En tout cas, au bout de 50 secondes, une minute, et pas en faisant du zap rock, il va y avoir un fade-out, un petit moment atmosphérique, un moment noisy, même par moment. Et voilà, il y a toujours ce côté chant, chanté italien, très, très lyrique, ouais, avec du lyrique. Tu nous en remets chant, un autre, allez. Vas-y, ouais, là. Grave, grave. Tu m'as l'air de tomber amoureux. Le son du synthétiseur VCS-30, qui ouais, est l'arme de feu de Franco Battiato. Tu allais te renseigner et tout, quoi. Ah, putain, ouais, ouais. Tu vas avoir des posters comme une italienne, toi. Tu vas rouler en Vespa bientôt. Ah, en plus, ça va pas être trop galère à trouver maintenant, vu la célébrité du bonhomme. Ouais, ouais, on va s'écouter carrément un morceau de plus. On va s'écouter le penultième morceau. Anaphasé, vous allez un peu comprendre ce que je veux dire quand je parle de qu'on dirait presque du collage, la façon dont ce monsieur compose et construit ses morceaux sur cet album là. Allez, c'est parti, Anaphasé, Franco Battiato. Varcherò i confini della terra verso immensità. Tra le astronavi verso le stazioni interstellari viaggerò. Thank you. Il est 22h02 sur Radio 106.8 et vous écoutez vraiment autre chose, la petite émission musicale d'obédience progressive. C'est les hors-séries, ça s'appelle Au pied de la lettre. C'est la 7e édition que nous faisons et nous abordons dans ces hors-séries une tentative d'exploration radiophonique de la Nurse with Wound List. On découvre presque en direct avec vous des morceaux, des groupes et des musiciens qui composent cette mythique liste parue en 1979 dans le premier album du groupe Nurse with Wound qui depuis est devenu une espèce de mythe, c'est la Nurse with Wound List. Maintenant qu'on vous en parle, vous verrez chez les disquaires, chez certains disquaires, il y a encore des bacs avec marqué Nurse with Wound List, et la plupart des disques et des musiques qu'on écoute ont eu le bonheur d'être réédités, même certains groupes qui n'avaient passé qu'un seul morceau, parce qu'ils ont fait partie de cette liste, qui est devenue une espèce de mythe, mythe que nous tentons d'explorer dans ces tentatives d'exploration de la Nurse with Wound List, que vous pouvez écouter sur 106.8 Radio Radio en direct, ou www.radioradiotoulouse.net, et que vous pouvez écouter en différé aussi sur le blog de Vraiment Autre Chose, Vraiment Autre Chose haut et fort, ou alors sur le Mixcloud de Radio, vous tapez Mixcloud Radio Radio, vraiment autre chose. La playlist s'appelle Nurse with Wound List au pied de la lettre. Et voilà, vous pouvez écouter tout ça. Et, oui, et peut-être que dans 40 ans, il y aura des radios archéologues qui tenteront de fouiller notre tentative. Ce sera une tentative au carré ou une racine de tentative, je ne sais pas. Une tentative dans la tentative. Ce qu'on vient d'écouter à l'instant, c'était Battiato, dans Franco Battiato, donc un extrait de l'album Fœtus. Album que vraiment je recommande parce qu'il est curieux, qu'il amène des fois aux frontières du kitsch sans jamais trop déborder, un petit peu mais pas trop. Et surtout, des fois, il amène vraiment dans des explorations sonores ambiantes. Vraiment hyper bien faite et super agréable. Et puis il y a ce son du synthétiseur vraiment... Ah, très, très, très belle mélodie. Carrément. Je m'en réveille. Petit côté Bowie aussi, je trouve. C'est un peu son Space Oddity à lui, je trouve. Par la suite, le monsieur restera dans des veines expérimentales, notamment avec ce deuxième album que tu as écouté, Guénolé. Ouais. Il poussera vraiment l'expérience jusqu'à la fin des années 70, un peu pressé par les maisons de disques, et c'est dommage parce que dans cette veine là il avait beaucoup de choses à raconter. Là, j'ai écouté cet après-midi un album qu'il a écrit pour un pianiste, Piano Solo, album qui a obtenu le prix Karlheinz Stockhausen de la musique contemporaine, et pour cause, il y a un morceau de 20 minutes, c'est le même accord de piano. À des intervalles différents, et après, au bout d'un moment, ça se brouille, mais c'est quand même la même chose pendant très longtemps, et c'est hyper agréable à l'écoute, soit dit en passant. Voilà, bah, très bien. Bah écoute, oui, vas-y, ça fait. Non, rien du tout. J'allais le comparer à l'orchestre pour 100 métronomes de Ligeti, c'était le genre de musique effectivement très expérimental. Ouais. Bah, du coup, du Bowie à Bonnie. Il n'y a que quelques lettres d'écart. Oui, quelque part. Et oui, puisque c'est à moi, il est 22h06 et vous écoutez toujours vraiment autre chose en direct de Toulouse, des studios de Radio Radio, radio-radio.net. Et voilà, donc je le rappelle, histoire, j'étais animateur à une époque. Et donc voilà, d'habitude il y avait un jingle. Mais bon, bref. Et c'est à moi donc de présenter Raymond Bonny. Raymond Bonny, c'est un guitariste français, né à Toulon en 1947. Il a commencé par apprendre le piano, puis l'harmonica. Et puis, quand on découvre Django Reinhardt à 15 ans, on a envie d'apprendre la guitare et c'est tout à fait normal. Et de Django Reinhardt, ça amène très très loin... puisque c'est un jeune homme qui a grandi dans les années 60 et qui a donc ouvert son arc musical au possible et qui a donc été un guitariste qui a erré dans la sphère free un petit peu, comme tu le disais Nico tout à l'heure. Par qui a commencé Nico d'ailleurs? Il nous a cité une pléthore de... Oui, Jacques Bérocal, voilà. Une pléthore de musiciens français, Michel Portal, etc., voilà, tout un tas de musiciens. Cette sphère, Raymond Bonny en fait partie quelque part, avec une carrière bien à lui, puisqu'il continue encore de sortir des albums et de se produire. Cela dit, c'est en 1971 qu'il sort son premier album solo. Il en enchaîne en 1976, Rêve en couleur. Entre-temps, il joue avec d'autres musiciens. Il expérimente le trio en 1976, et c'est l'album qu'on va écouter. Un trio avec André Jaume, pareil, saxophoniste qui est dans cette sphère du free jazz européen, qui nous amène, il a cité Lol Coxhill, voilà, tous ces musiciens. On pourrait en citer nombre, mais ce n'est pas le sujet. On continue donc sur cet album, surtout. André Jaume est au saxophone, Gérard Siracusa est aux percussions, et Raymond Bonny est à la guitare. J'ai choisi deux morceaux de cet album, Pot pourri pour Parce que, ne me demandez pas pourquoi, je vous dirai évidemment. on commence par le premier extrait, c'est pas Migration, c'est Saxophone Rouge-Gorge, et voilà, on prend le temps d'apprécier. Thank you. Tout est dit dans le titre, saxophone rouge-gorge. André Jaume nous a bien chanté comme un rouge-gorge comme il faut. C'est donc sur l'album Peau pourrie parce que on va enchaîner avec un titre un peu plus long qui s'appelle Migration. Et voilà, tout ça pour dire que Raymond Bonny, au final, il a continué donc, sa carrière, notamment avec un saxophoniste américain de free jazz, Joe McPhee, avec qui jusqu'en 2016 il se produisait et enregistrait des albums. Donc très longue collaboration avec ce monsieur à partir des années 80. Lol Coxhill aussi, saxophoniste anglais, voilà, Bear Phillips, enfin bon, bref, on peut voir, tu vois, Manu, aussi Mats Gustafsson que nous avions vu en... Ah oui, en Pologne. En Pologne, voilà. Moi, ça me rappelle un peu ces musiques-là, voilà. C'est ce free jazz-là, un petit peu. Mais tant que tu en es à parler des collaborations de notre ami Raymond Bonny, j'ai entre les mains un livre qui me sert de source des fois de temps en temps. Là, on cite souvent qu'on va regarder des infos sur Wikipédia et sur des blogs. Il y a aussi d'excellents livres qui parlent des musiques expérimentales. Celui-ci est signé Maxime Delcourt. Ça s'appelle « Il y a des années où l'on a envie de rien faire ». Ça parle des musiques expérimentales des années 67 aux années 81. C'est paru chez Le Mot et le Reste. Et à un moment, il est question d'une performance Dada. Il y a tout un paragraphe un peu sur le mouvement Dada et sur son application musicale. Et il est question d'une performance au musée d'art moderne de la ville de Paris en 78. La performance est un happening qui s'appelle Escale au sable à l'ancienne et à la nouvelle. Et on y retrouve Michel Potage, je continue à faire du name dropping, Roger Ferlé, mais aussi Raymond Bonny et surtout Jacques Bérocal, qui est à l'origine carrément de la performance. Et alors la performance, elle est assez particulière. Il y a un tableau noir et Jacques Bérocal démontre sur ce tableau que tout est possible en musique, tandis que son comparse Potage entame une lessive de livres. Et pour finir, Raymond Bonny, lui, il écrase du pied des légumes placés comme des pédales d'effet. Voilà. C'est cette petite performance. Sacré tambouille. Quoi. Sacré tambouille. Et bon, voilà, c'est un peu tout le mouvement Dada. Mais c'est pas de la soupe. Quoi. Et c'est pas de la soupe. C'est une belle ratatouille. Ouais, et voilà. J'étais sur le point de le dire, mais effectivement, il y a un peu de ça. Enfin, en tout cas, c'est... un peu le sens de ces performances qu'il y a pu y avoir dans les années 70, qui est toujours de nos jours d'ailleurs, du reste, d'inciter le spectateur, enfin de déranger le spectateur, l'inciter à réfléchir à ce qu'il vient de voir, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est de la musique ? Est-ce que c'est du théâtre ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils ont eu mal ? Est-ce que les légumes ont eu mal ? Mais voilà, puis ça permet de faire un petit lien entre Jacques Bérocal, dont nous parlait Nico tout à l'heure, et Raymond Bonny. T'as quelque chose à dire d'ailleurs, Nico, sur Raymond Bonny ? C'est assez intéressant, je pense. Et aussi, souvent, il a des titres quand même assez marrants. Et je pense aussi le titre de l'album qu'on vient justement d'entendre, le pot pourri pour parce que ça correspond avec tous les légumes qu'on vient justement dans cette performance-là de dadaïsme. Exactement. Et puis, c'est 4 P. Pot pourri, c'est que ça commence que par la lettre P. Donc, c'est peut-être un clin d'œil pour, je ne sais pas, il y a qui en P. Voilà. Un message codé. On va terminer par le dernier morceau de cet album qui s'appelle Migration. Tout à l'heure, je parlais d'André Jaume. Évidemment, c'était une erreur terrible de ma part. Cet album est en duo avec Claude Bernard, le saxophoniste. Je parlais d'André Jaume parce qu'il avait sorti la même année un album en trio. Donc voilà, c'était Claude Bernard et Raymond Bonny à la guitare. Le titre, c'était Migration et c'était sur l'album Peau pourrie pour Parce que. Et dis-moi, Steph, si voilà. Claude Bernard et Thierry Lhermitte aurait adopté un enfant, est-ce qu'ils sont appelés, je ne sais pas, on va dire, Pierre Bernard Lhermitte? Tu fais bien de le dire et je dirais que oui. Voilà. Ce Lhermitte Bernard, ça sonne mal. Non, mais très bien, je dirais que oui. On peut faire pareil avec Bernard Thierry Lhermitte, Hermite la grenouille, enfin bref. N'allons pas sur ces terrains glissants. Oui, le champ des possibles est vraiment au-delà. Ouais, c'est vrai que, en tout cas, Claude Bernard, dans ce morceau, nous fait voir le côté sax love un petit peu par moment et d'autres moments complètement free et complètement et totalement lâché. On voit bien qu'il a plusieurs cordes à son arc et plusieurs sons musicaux en son sein, Bernard. Bravo. Écoute, Oui. Mais cool, écoute, de Daniel Darc, voilà, il a pu l'étendre à son maximum. Non, oui. Non. Daniel Darc. Okay. Bernard. Non, je crois que. Nico, est-ce que t'as un petit jeu de mots? Merci Bernard. Oui, mais c'est en néerlandais, donc je pense que ça n'a pas de sens. Vas-y. C'est facile de dire ça parce que moi j'en ai un tchèque, mais voilà, ça, personne ne comprendra, c'est bon quoi. Je la connaissais avec un rabbin, mais oui, ouais, effectivement. Aussi, mais... Guénolé, mon bon, c'est à toi. Oui, c'est à moi. Donc Manu, tu faisais part tout à l'heure pour Battiato que voilà, avant-hier, tu as dû te prendre. Tu t'es levé vraiment au pied du lit. Avec cette lettre en tête, il fallait que tu fasses Battiato. Moi, écoute, j'ai reçu un texto de ta part vers 15h, je crois. Un appel, deux appels insistants. J'étais en train de travailler, mais bon, j'ai pris la peine pendant ma pause de t'appeler pour savoir de quoi il en retournait. Et c'est que Inès, qui devait être avec nous dans les studios, qui doit faire ce groupe, n'a pas pu être là. Et du coup, ben, j'ai dû travailler après le travail. Bon, ça va, c'est un travail bénévole, donc c'est cool, on le fait avec plaisir. Le travail payé. C'est double payé. Oui, exactement. Là maintenant, je le paye. Enfin, je le payerai peut-être demain matin, mais ça, c'est une autre chose. Et du coup, voilà, c'était pour finir, toujours la lettre B. Brew Warm Theater. Alors, Theater, c'est un groupe allemand. Donc, en fait, c'est une troupe allemande, Brew Warm, qui s'est associé avec le Tonstein Scherberg. Excuse-moi pour l'accent, tu connais un petit peu mieux l'allemand que moi, Nico. Et du coup, c'est une troupe de théâtre voilà, un peu radicale, un peu ultra politisée en Allemagne dans les fins 70, qui s'est constituée, qui s'est associée. Donc du coup, la musique de ce groupe, qui eux aussi cherchent toujours l'engagement dans la chanson, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas associés avec n'importe qui. Et il s'avère que cette groupe de théâtre était à fond porté politiquement sur l'homosexualité, pratiquement sûrement aussi. En tout cas, c'était un combat qui les prenait, qui souhaitait mettre en musique et pouvoir diffuser un peu leurs paroles là-dessus. Donc ils ont fait deux albums qui sont deux concept albums qui pourraient être appelés de cabaret rock ou de cabaret kraut rock, si on est vraiment porté sur la choucroute. Il règne une ambiance un brin délétère dans ces studios. Là, on n'a pas encore goûté l'absinthe de Nurse With Wound, mais oui, je sens que tout le monde est tout le monde est bien à fond. Et du coup, voilà. Donc moi j'ai découvert ça tout à l'heure. Donc à 17h30, j'ai écouté l'album. Enfin non, j'ai écouté 5-6 chansons. J'étais, ah, il y a celle-ci qui est bien. Et au fur et à mesure, j'ai réécouté. Il y a dû avoir 2 chansons de 2, 3, 4 minutes. Pas plus, donc ça s'écoute assez rapidement, ça se réécoute facilement. Et du coup, j'ai assez aimé en fait. Donc un petit cabaret, donc ça parle beaucoup, c'est en allemand. Donc si on pige pas l'allemand, c'est sûr que voilà, au bout de, je sais pas, d'une certaine écoute, on peut se sentir lassé, c'est compréhensible. Mais la musique est sympathique et accompagne bien, en tout cas, les propos que je ne connais pas. Mais j'ai lu sur un blog, tu parlais des blogs, où on va piocher nos petites infos pour pouvoir vous divulguer tout ça. Et je trouve que, après avoir écouté les chansons, je trouvais que c'était pas mal. Donc c'était en anglais. Alors il y a un gars qui dit « humorous, silly and charming », et l'autre qui dit « fun and silly, Zappa-ish record ». Donc il y a un petit côté un peu guiré, faussement guiré, puis un peu corrosif quand même derrière les bords, quoi. Enfin, il faut creuser, bon, on est là pour creuser, et eux apparemment le font bien, donc si vous êtes germanophone, n'hésitez pas à nous envoyer un mail avec la traduction de toutes ces paroles, parce qu'apparemment c'est un petit peu marrant, et on sent que ça s'entend dans la musique, et un petit peu guillerette des fois, mais pas tout le temps. Alors, le premier morceau que j'ai choisi, il s'appelle Mittendrin im Judenrausch. Je n'ai pas pris la peine de demander à Google de le traduire, parce que Google, des fois, il traduit très mal. Et je vous parlerai justement de Google Trad pour le second morceau qui m'a posé certains soucis de traduction. On écoute ça, donc Brummworm Theater and the Stonesteiner Schoenberg avec ce morceau. Heute in den Spiegel, mach mich wieder hübsch und ertappe mich bei dem Gedanken, du siehst aber ganz schön alt aus. Ey, denke ich, bist du ausgeflippt? Du bist 24 und denkst ans Altern? Du bist doch jung und mittendrin im Jugendrausch. Scheiße! Ich verschweig jetzt schon manchen mein Alter. Aus Angst vor Ablehnung. Ja, ich hab Angst, alt zu werden. Ja, ich hab Angst, alt zu werden. Angst. Ich seh mich im Spiegel und denk, wie siehst du mit Glatze aus? Jetzt mit 24 und etwas Haarausfall. Ausgeflippt. Ich seh die Älteren in der Subkultur. Mit 30 bist du draußen. 24, 6 Jahre hab ich noch. Torschlusspanik. Von wem kommt dieses brutale Gesetz? Frag mich nicht. Ich befolge es doch nur. Hilflos starre ich in die Zukunft. Ja, ich hab Angst, alt zu werden. Ja, ich hab Angst, alt zu werden. Ja, ich hab Angst. Ich will nicht stecken bleiben und aufs Abstellgleis geschoben werden. Dabei lasse ich heute selbst Ältere links liegen. Widerspruch in mir. Kaum mal treffe ich einen alten Schwulen, der mich antörnt, der mir Mut macht. Was mir bleibt, ist Hoffnung ohne Grund. Zweckoptimismus. Und immer bedrohlicher kommt's mir hoch. Ja, ich hab Angst, alt zu werden. Ja, ich hab Angst, alt zu werden. Ja, ich hab Angst. C'était Brewarm avec Tom Stein Schoenberg. Non, Scherbern, pardon, excusez-moi. Qui, d'ailleurs, on retrouvera la lettre T. Ce groupe fait partie de la lettre T. D'ailleurs, j'ai lu. Alors, on parlait de krautrock, et puis là, j'ai entendu parler, ben, j'ai lu en tout cas, que là, c'était du Dutch rock. Donc voilà, une nouvelle appellation. Je ne sais pas si une étiquette un peu de. Une espèce de greenwashing, mais genre du. Du l'anti-nazi, du démocratique washing, tu vois, pour dire, oh vas-y, on a peut-être abusé avec le krautrock. Là, on a appelé juste Dutch, parce qu'ils sont juste allemands, en fait. C'est une appellation, en tout cas. Oui, c'est une appellation. Et du coup, voilà, à creuser. J'ai pas trop creusé pour pouvoir en parler plus tard. En tout cas, ouais, de ce que j'entends, ça ressemble pas vraiment à ce qu'on appelle du krautrock, à part le fait d'être allemand. Non, c'est plus cabaret, c'est rock. Après, là, c'était Dutch, c'est après... hollandais. Pardonnez-moi. Non, là, c'est Dutch comme l'Allemagne. Dutchland. Dutchland. Enfin, c'est D-E-U. C'est pas D-U. Après, à un moment, là, quand t'as cité une phrase en allemand et en anglais là, qui présentait l'album, Zappa Ich, bon, j'imagine que c'est référence à Frank Zappa. Oui. Oui, tout à fait. Ouais, on entend un petit peu ça aussi. Oui, voilà. Et c'est pour ça que j'ai cité ce commentaire. Je trouvais qu'il illustrait pas mal le truc. Mais pareil, Zappa, c'est bien quand tu comprends ses paroles, parce que c'est là où c'est très drôle, quoi. C'est très, ça perçoit bien la situation, et puis il la met de manière ironique, sarcastique et corrosive à souhait, quoi. Et du coup, donc je vous ai annoncé tout à l'heure qu'il y avait un problème de Google Trad et que je suis fâché avec Google Trad, avec Google en général. Alors, vaut mieux aller sur .com, Deeple ou Reverso, c'est déjà plus correct. Mais je suis allé sur Reverso et tout ça. Mais... Et du coup, alors là, le morceau s'appelle Art Murder Man. L'album s'appelle Manstall. Alors déjà, Manstall, j'ai trouvé, ça veut dire... Ce que j'ai compris, c'est dire nymphomane, mais nymphomane garçon. C'est-à-dire, parce que man, il y a man dedans, quoi. C'est genre dévergondé, sévère, mais niveau homme. Enfin, en tout cas, c'est pas une nymphomane, c'est un nymphomane. Et du coup, je tape sur un moteur de recherche très peu connu. Art Murder Man. Et là, ils me mettent naturellement en anglais Ass Murder. Et là, tu fais Ass Murder, c'est un propos sur l'homosexualité. Tu fais, oh là, putain, c'est quoi le propos, quoi. T'as dû visiter de sacrés sites. Non, bah, c'était juste une jolie promenade. Juste la traduction. Et du coup, j'ai vu qu'ils avaient... voilà, c'est pour ça qu'ils sont pas très efficaces, quand même, Google Trad. Ils avaient mis Murder en Murder. Alors que Murder, j'ai vu que ça parlait plus de fatigue extrême ou des choses comme ça, et le art n'a rien à voir, ou murder veut dire maman. Donc en gros, je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Est-ce ça que peut tu vouloir pas dire que au Nicolas moment là pourrait nous aider, hein? Est-ce que Nico, toi tu sais parler allemand? Est-ce que tu saurais traduire ça pour ce je pour comprends ce... un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est quand même souvent les connotations sexuelles du sein homosexuel, ouais. qui avec beaucoup de blagues, et je pense qu'il faut connaître bien l'allemand pour comprendre un peu le double sens du jeu de mots, les sous-entendus, tout ça, ouais. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Boogie Anal, et il y a une chanson qui s'appelle Tango, pas de double sens pour le coup. Quoique, il y a une chanson qu'ils ont appelée juste Tango, ils sont abstenus de Tango Prostate, tu vois, mais ils ont pu le faire, tu vois. Mais du coup, voilà, ça aussi avec un peu des petits genre classique qui revisite en mode un peu voilà, cabaret, comme on disait. Et du coup, moi, on va s'écouter ce dernier morceau. Donc, libre à vous de l'interprétation de la traduction. En tout cas, en allemand, c'est Armödermann. Voller Milch so munter macht. O Marlboro Mann, der Freiheit und Abenteuer raucht. Ach, sexy Mann, den der Jockey Slip erst Mann sein lässt. Hey Tarzan Boy, nimm mich wie Dschungelelefanten. Hey Obelix, lass mich doch mal dein Hinkelstein sein. Donc voilà, nous avons écouté Brouwarm Theater avec le groupe Ton Steinscherben, qu'on va retrouver donc, qui est également... dans la plus pure tradition Kurt Wilde des comédies cabarets allemandes. Oui. Bon, c'est facile de dire ça en même temps, mais... écoute, il faut. Mais non, très sympathique, effectivement. Ouais. Ouais, petit côté Monty Pythonien. Moi, j'ai trouvé aussi un côté Phantom of Paradise, tu vois, là, le film. Le vieux film Brian de Palma. Ouais. Ouais, ce petit côté fun rock, glam rock. Ouais, Rocky Horror Picture Show, tout ça. Tu sens bien que, effectivement. Bah, là, c'est, pour le coup, c'est vraiment le groupe qui. c'est le groupe qui porte ça. Et on voit que la voix, c'est un peu plus. Voilà, c'est un peu plus bancal, mais bon, c'est théâtral, et puis les paroles, donc importe. Ah ben écoute, eh oui. Les germanophones et germanophiles sauront apprécier tout ce qui se raconte. Ben, il faudra trouver les paroles et puis les traduire, petit cochon. Ouais, puis on peut se remettre un peu dans le contexte, hein. Ça reste dans les années 70, du rock entre guillemets revendicatif gay, bon, il n'y en avait pas forcément beaucoup, et puis c'était un poil plus subversif, en tout cas plus aventureux, plus risqué tout bêtement que de nos jours. Carrément, non, à fond. Et puis c'est vraiment une démarche commune de faire ça, et puis de... Voilà, j'ai l'impression que c'était pour l'amener un peu au grand public, tu vois, de le mettre un peu en mode blague, en mode doux, mignon, comme ça. Et bah ouais, tant mieux si on réussit leur coup. Bah carrément. Bah ouais, ouais. Bah après tout, en France, un film hyper excessif et voire caricatural comme La Cage aux Folles, ça a vraiment débloqué pas mal de gens sur leur regard par rapport aux homosexuels. Donc comme quoi, c'est aussi ça marche. Et je préfère ce qu'on vient d'entendre à ce film en tout cas. Très bien. Mais du coup, Nico, à part si tu voulais redire quelque chose d'autre sur ce groupe, on va te laisser la parole. Bah, je vais peut-être plutôt répondre à une question que Manu a posée au début de l'émission. Il se posait comment Stephen Stapleton pouvait trouver des disques bizarres. Et Stephen m'a expliqué un jour qu'une des raisons pourquoi il trouvait autant de disques, c'était beaucoup de musiciens envoyaient ça aux journalistes. Et les journalistes n'adoraient pas du tout cette musique-là. Ils ont directement vendu dans les magasins de disques. Et comme ça, il a trouvé plein de disques en second main, donc deuxième main, parce que les journalistes n'adoraient pas du tout cette musique. Et donc, Stephen Stapleton, pour lui, c'était justement... je ne trouve pas le mot en français. Ça a été en anglais. Un trésor. Ouais, voilà. La pépite. Voilà. Donc, justement à cause de ça, il trouvait beaucoup de disques comme ça que les journalistes l'adoraient pas. Et le vendeur dans le magasin lui connaissait un peu. Il dit voilà, Stephen, écoute ça, peut-être que tu vas adorer ça. Et comme ça, Stephen a trouvé plein de disques qu'on trouve maintenant sur la liste de North Street Wound. Ouais, c'est quand même pas sympa de la part des journalistes. Là, on leur envoie un album, on se donne la peine de leur envoyer un album. Bon, qu'ils aiment pas, ils en parlent pas. Bon, pourquoi pas, mais alors d'aller le revendre et se faire des sous avec, j'avoue, je trouve ça un peu moyen. Je sais pas. C'est mon côté journaliste, hein, je me permets de critiquer manque de théontologie. Ouais, mais c'est aussi, je me souviens aussi, début des années 90, au moment que je suis arrivé à Bruxelles, c'était un peu la même chose. J'ai visité beaucoup de magasins de disques, 50 mètres aussi, et c'était la même chose. Il y a des vendeurs qui me disaient, voilà, il y a un journaliste qui est passé, qui n'aime pas du tout ce disque-là, mais je suis sûr que tu vas l'aimer, et j'écoutais, et vraiment, j'achetais aussi des disques dans ce sens-là. Ok, bah, donc, si ça permet... Parce que ça, c'est aussi un peu le problème de beaucoup de musiciens qui envoient leur disque à n'importe quel journaliste. Exactement. C'est une chose que le monsieur autour de qui je vais parler maintenant, c'est Jean-Jacques Birger. Il m'a expliqué ça aussi un jour. Voilà, parce que maintenant, une chose très importante pour que les gens connaissent ton musique, il faut l'envoyer à des gens qui sont intéressés dans ton musique. Et donc, c'est-à-dire... Il faut l'envoyer à des journalistes qui sont vraiment intéressés dans ton musique. Donc, c'est pas la bonne idée d'envoyer ça à 200 journalistes, mais c'est mieux de l'envoyer à 5, mais 5 qui sont vraiment intéressés dans ton musique. Et ces 5-là vont parler de ton musique et pas les 200 autres ou les 195 autres vont pas parler de ton musique. Et c'est un peu ce qui est arrivé aussi, comment Stephen Stapleton a trouvé l'album autour que je vais parler maintenant, c'est le Defense de... qui était le premier album de Jean-Jacques Birger et Francis Georget, et aussi avec Chiroc. C'est avant la fondation d'un drame musical instantané, c'était Jean-Jacques Birger et Francis Georget qui ont enrichi cet album-là. Après, c'est devenu un drame musical instantané avec Bernard Vittet en 1976. Défense 2 est devenu un des albums cultes particulièrement depuis que son caractère de musique française avant-garde expérimentale synthé précoce fut signalé sur la fameuse liste North Street Wound, de laquelle on parle actuellement. Francis Georget et Jean-Jacques Birger avaient commencé à jouer ensemble au lycée en 70. L'album avait commencé par être enregistré chez le père du producteur de free jazz Sébastien Bernard, qui possédait un orgue à tuyaux, un piano électrique, un xylophone et un violoncelle. Puis sa défection et la rencontre quelques mois plus tard du percussionniste Chiroc, qui les avait amenés à remplacer deux des quatre morceaux par des nouvelles pièces en trio ou en quartet, avec le pianiste Jean-Louis Bouchy, leur ami le saxophoniste Antoine Duvenet, faisait également des apparitions sur les deux pièces initiales. Et c'est ce qu'on va écouter. On va écouter un morceau avec Antoine Duvernay, Le morceau s'appelle Le Réveil, qui était sorti sur le label Grr. C'est aussi un label que Jean-Jacques Birger lui-même a créé pour sortir ses propres albums. Et donc, ça vient de l'album Défense 2, qui était sorti en 1975. Thank you. Thank you. Waouh, quel voyage. Toujours avec nous, Nico ? Oui, je suis avec vous. Eh ben, merci beaucoup. Enfin, C'est vraiment, il se passe énormément de choses dans cette pièce donc de Jean-Jacques Birger avec Francis Gorge et Chiroc, si je dis pas de bêtises. Donc album Défense 2 en 72. Jean-Jacques Birger qu'on salue parce qu'il fait partie des artistes qui ont accepté de signer une lettre de soutien pour la friche artistique Mix Art Miris. On s'est fait l'écho de cette lutte dans cette émission et on a contacté pas mal d'artistes, donc, dont Jean-Jacques Birger, qui est toujours actif à ce jour en tant que musicien, puis aussi en tant que chroniqueur, qui tient un blog notamment de critique musicale et cinématographique sur Mediapart, qui est hyper passionnant. Enfin, vraiment, c'est le genre d'article qui donne envie d'écouter la musique qu'il y a derrière, et quand on l'écoute, on n'est pas déçu. Puis il fait toujours il monte toujours des instantanés musicaux avec des artistes de jazz ou de musique expérimentale qui s'écoutent sur son blog et qui sont de très belle qualité. Le drame musical instantané avec des espèces de rencontres improvisées avec 3-4 contraintes, mais qui sont plus des contraintes elliptiques que des contraintes de forme musicale, plutôt des contraintes d'humeur, de façon de jouer, de vivre la musique. Et c'est hyper intéressant à écouter. Ouais. Tout à fait. Ça a l'air. Ouais, vraiment. Tu veux rajouter quelque chose, camarade, sur Jean-Jacques Birger ? Oh. C'est une bonne question. À mon avis, il faut justement regarder un peu sur son site. C'est drum.org, je pense que son site s'appelle. Et là, vous avez toute son discographie. Il y a aussi un radio qui est là, avec presque pour de chaque album qu'il a réalisé, des morceaux qu'on peut écouter. Donc comme ça, vous pouvez déjà créer une idée de quoi il fait comme musique. Parce qu'il est aussi un musicien qui a produit un grand nombre de disques et encore actuellement, il continue de produire des albums. C'est aussi quelqu'un qui essaie de connecter les musiciens ensemble. Il a aussi sorti, je pense, récemment deux albums, des compilations avec plusieurs musiciens qui pouvaient lui fournir un ou deux morceaux et qu'il a créé un double album avec ça. Et souvent dans la musique d'improvisation, dans tous les sens. Et pour lui aussi, c'est important de travailler avec des jeunes, mais aussi des moins jeunes aussi. Donc c'est quelqu'un qui ne perd pas la vision de quoi ça sert la musique. Ok, quelqu'un qui mérite qu'on se penche un petit peu plus dessus. Hein. C'est le cas de pas mal d'artistes depuis le début qu'on creuse cette liste. Mais bon, voilà, nous on vous fait le premier creusage et après, n'hésitez pas à aller fouiller plus avant, effectivement, sur le site drame.org par exemple, ou dans toute la discographie passionnante de Jean-Jacques Birger. On va se quitter, on va terminer cette émission par un dernier groupe, on va en finir avec la lettre B. Et là, on part dans une destination peu commune, y compris dans cette liste dans les années 70. Il s'agit du Japon. On va parler du groupe Brattburn. Alors, pareil, toujours un mystère de se demander comment... Est-ce que ces musiciens de Brattburn ont envoyé leur disque comme ça au hasard à des journalistes qui l'ont revendu chez les disquaires? En tout cas, Steven Stapleton est tombé sur ce disque. Ça lui a tapé dans l'oreille et c'est pas très étonnant parce que ça peut nous évoquer un peu le krautrock, justement, le rock psychédélique allemand dont on a parlé déjà sur quelques groupes depuis qu'on explore cette liste alphabétique. Je ne vais pas vous donner d'informations sur ce groupe, tout bêtement, parce qu'elles sont très très dures à trouver. Vraiment, c'est très galère de trouver des informations sur ce groupe. Et certains sites disent carrément qu'il n'y a pas d'informations, d'autres sites citent le nom d'un musicien mais qu'on retrouve nulle part ailleurs. On pense même que les musiciens de ce groupe là, de Brattburn, sont aussi les musiciens d'un autre groupe japonais sorti sur le même label à la même époque. Bref, les hypothèses divergent, mais peu d'informations fiables à trouver sur ce Brattburn. J'espère, Nico, que comme la semaine dernière, tu vas pas nous apprendre qu'il n'y a pas d'infos sur internet pour des raisons qui nous auraient échappé, qui seraient peu recommandables. En tout cas, ces japonais nous servent un rock psyché hyper bien, vraiment, une espèce de... Moi, ça me fait penser un peu à Cannes, ou peut-être aussi à Faust, vraiment, sur ce, au Faust des années 70, à part que là, il n'y a pas du tout le côté industriel, on est plus sur quelque chose de tellurique, de la nature, il y a beaucoup de sons de vent, beaucoup de sons d'eau, de pierre, il y a aussi pas mal de cloches, si vous aimez les cloches, vous allez être servi dans cette longue suite. Donc cet album s'appelle Debon, D-E-B-O-N, il y a deux morceaux qui font chacun une face, et on a vraiment l'impression d'une espèce de jam entre musiciens. On va vraiment aller jusqu'au bout d'une idée avant de la lâcher, de passer à une autre, ce qui nous met en tant qu'auditeur dans une espèce de transe, ouais, de petite transe psyché. Voilà, je trouve que c'est pas mal pour terminer cette émission. On a été sur pas mal de sonorités différentes. Là, voilà, on va redescendre tous en douceur. C'est le moment de vous rouler un pétard si c'est votre délire, ou de vous servir un petit verre de whisky, ou pourquoi pas d'absinthe. En tout cas, voilà, c'est vraiment une musique planante dans laquelle on se laisse vraiment glissé. Voilà, il y a deux faces. J'ai choisi de vous passer la face A parce que la face B m'a beaucoup moins accroché l'oreille. Un poil plus pop, un poil plus mélodieuse, mais qui se termine avec surprise par un grand, grand chaos noise hyper bien. Mais par contre, vraiment, avant que ça devienne chaotique, à cette face B, elle m'a beaucoup moins accroché. Je préfère largement cette face A. Ben voilà, c'est parti pour un très long voyage, une vingtaine de minutes, 23 minutes 40 pour être précis, avec les Japonais de Brass Burn pour terminer ce au pied de la lettre numéro 7. Donc voilà, servez-vous un verre, roulez-vous un truc, faites ce que vous voulez, mais laissez-vous plonger dans cette musique, elle va vous entraîner très loin du côté des rivières, du côté des cloches, beaucoup de cloches, elle va tintinabuler pas mal dans vraiment autre chose. Allez, c'est parti. Ooh, yeah. Won't you be here so bright? You are mine, you are mine, you are mine. Why is she shaking? Yeah! You are mine, you are mine, you are mine. Oh yes, cool, cool. You are mine, you are mine, you are mine. You are mine, shoo, shoo. You are mine, you are mine, you are mine. Okay, shoot my. You are mine, you are mine, you are mine. Okay, shoot mine. You are mine, you are mine, you are mine. You are mine, you are mine, you are mine. You are mine, you are mine, you are mine. You are mine, you are mine, you are mine, you are mine, you are mine, you are mine, you are mine, you are mine, you are mine, you are mine, you are mine, you are mine, you are mine. You are mine, you are mine, you are mine. Thank you. Voilà, c'est sur ce moment de chaos que se termine cette émission de vraiment autre chose, la 168e, 169e d'ailleurs, au pied de la lettre numéro 7. À l'instant, ce qu'on vient d'entendre, c'était les Japonais de Brassburn avec la partie 1, la face A donc, de leur album Debon, le seul album qui est sorti et qui est vraiment, comme vous avez pu l'entendre, voilà, une espèce de grand voyage psychédélique avec du vent, des cloches, des pierres, de l'eau, enfin très, très terrien, très terrestre. Et la face B, ma foi, poursuit dans la même lancée, un album qui vaut vraiment le coup d'oreille et un album qu'on a découvert grâce à Steven Stapleton et à la Nurse with One List, puisque c'est l'objet de nos émissions hors série au pied de la lettre. Et bien résumé. Oui. Ouais. Ce soir, j'étais avec Guénolé nous a quittés. Je suis encore avec Stéphane et avec Nico. Nico, tout va bien ? Oh oui, très très bien. Et quelle musique, c'était super chouette. Ouais, vraiment, hein. Super beau voyage que cet album-là. Et bon, on va faire notre traditionnel et interminable récapitulatif de fin d'émission. Donc, au pied de la lettre numéro 7, on en a fini avec tous les groupes et artistes en B. Et ce soir, c'est toi qui as entamé la danse, Nico. Tout à fait, j'ai eu l'occasion de commencer et j'ai passé deux morceaux de Jacques Berroquel. Le premier, c'était un solo à la trompette qui s'appelait Galimathias. Et le deuxième, c'était le Rock'n'Roll Station. Les deux venaient de le deuxième album de Jacques Berroquel qui s'appelait Parallèle, qui était sorti en 1976 sur Davantage. Et on a enchaîné avec Nurse with Wound, un morceau qui s'appelait aussi Rock'n'Roll Station, qui était sorti en 1994 sur le United Dairies label. Ok, ensuite c'est Guénolé, si je ne m'abuse, qui nous a amené du côté du Danemark avec le groupe Blue Sun. On a écouté deux extraits donc de leur album éponyme, Blue Sun, sorti en 1972. Les titres c'était K.R. Irène, Cher Irène et Pas Fieldette. Ensuite, c'est moi qui vous ai parlé de Franco ou Francesco Battiato. On s'est attardé sur son tout premier album, un artiste protéiforme qui a glissé à partir des années 80 sur de la variété bien sirupeuse et bien lui en a pris, en tout cas s'il s'y retrouvait artistiquement, parce que ça lui a permis d'accéder à une grande notoriété. C'est vraiment une très grande star en Italie, ce Franco Battiato. Nous, on s'est penché sur son premier album, Fœtus, album expérimental, ouais, que j'ai tendance à recommander, qui a quelques scories, mais vraiment quelques moments d'imagination assez fous et une façon d'écrire plutôt rare dans ce genre-là. D'ailleurs, je ne vais pas résister au plaisir en toute fin d'émission, après le générique, de passer un dernier extrait de cet album-là, Fœtus, donc de Francesco Battiato. On est en 1972. Stéphane, ensuite, c'est toi qui as pris la main. Et ensuite, j'ai passé donc Raymond Bonny, le guitariste, sur l'album Peau pourrie pour Parce que. Le titre c'était Saxophone Rouge-Gorge et Migration. Ensuite, on a redonné la main à notre ami Guénolé avant qu'il nous quitte et nous a fait découvrir le cabaret rock un peu foutraque et zapaïen de Brouwarm Theater, accompagné donc par le groupe Tonstein Scherben, qu'on retrouvera plus tard quand on abordera la lettre T. On a écouté deux titres de l'album Manstall. On a écouté Mitten Dream in Jugendrausch et suivi de Ach Modenmann. Voilà. Et ensuite, on a enchaîné avec Jean-Jacques Berger et Francis Gorger et Chiroc comme trio. J'ai passé un morceau de quand même 17 minutes, je pense, qui s'appelait Le Réveil, qui venait de leur album Défense 2, qui était sorti sur le label de Jean-Jacques Berger, qui s'appelait Grrr. Oui, c'est un nom bizarre, mais c'est bien. Et c'était sorti en 1975. Et on a fini donc avec les Japonais de Brass Burn et leur rock psychédélique interminable, et tant mieux, avec l'album Debon. Voilà, et chose promise, chose due, je ne peux pas vous quitter, chers amis auditeurs, chers amis auditrices, sans un petit dernier extrait de Francesco Battiato, donc de cet album Fœtus. Le morceau c'est Cario Sinezzi. Et on se retrouve la semaine prochaine, le 13 mai, pour aborder dans la joie et la bonne humeur les artistes et groupes. Commençons par la lettre C. Bonne fin de soirée. Merci à toi, Nico. À bientôt. À bientôt. Belle nuit à tout le monde là-bas, à Toulouse. Eh bien, pareil. Bonne fin de soirée. Bonne nuit à toi et bonne nuit à tous. Portez-vous bien. Merci. À très vite. Quella che facevamo in casa, quella che rideva, che facevamo in casa. Arancione. E in ogni camera ho lasciato qualche mia energia. Quanti figli dell'amore ho sprecato io, racchiusi in quattro mura ormai saranno spazzatura. Se un figlio si accorgesse che per caso è nato fra migliaia di occasioni, capirebbe tutti i sogni che la vita dà, con gioia ne vivrebbe tutte quante le illusioni. Ho strappato senza mai piangerci su, quante angosce ho provocato per godere un po' di più, quante frasi false ho detto, quante strane verità per fare sul mio metro questa personalità.